si tu viendrais me parler, je serais le plus heureux. Mais je suis seul à t'aimer, et je suis très malheureux. Le manque n'est pas réciproque, je viens te voir en répète, et dès que j'écoute du rock, je repense à ta silhouette. Tes jambes fines, tes bras fins, tes joues fines, ton nez fin. Tes yeux sont juste les plus beaux. Je voudrais les embrasser. Le vert est une belle couleur. La tapisserie de mon cœur. Embrasse-moi. Embrasse-moi. Embrasse-moi. Embrasse-moi! Embrasse-moi! Embrasse-moi! Embrasse-moi! Embrasse-moi! Embrasse-moi! Embrasse-moi!